Allez, c'est à moi maintenant, c'est mon tour. Le nez fin et pointu, les lèvres minces, les dents pointues, la voix pointue. Ah, qu'il est agaçant, ce diamant! Bon, à moi maintenant. Le grand sportif, très fier de ses performances passées. À la course, aux 100 mètres, 400 mètres, au marathon, au saut en hauteur, au saut à la perche, l'athlète parfait, quoi. Ne manque jamais un événement sportif. Comme spectateur, à la télé, évidemment. Il joue même au tennis, une fois par an. Oh là là, est-ce qu'elle est méchante, c'est papa? Bah évidemment, c'est ton père. Allez, c'est à moi maintenant. C'est mon tour. C'est mon tour. Le nez fin et pointu. Les lèvres minces. Les dents pointues. La voix pointue. Ah, qu'il est agaçant, ce gamin! Est-ce que ton Georgette a le nez rond? Non, elle a le nez pointu. Est-ce qu'elle a la voix douce et mélodieuse? Non, elle a la voix pointue. Bon, à moi maintenant. Le grand sportif. Le grand sportif. Très fier de ses performances passées à la course. Très fier de ses performances passées à la course. Quel type d'homme est le père d'Yvonne? Le grand sportif. De quoi parle-t-il toujours? De ses performances passées. Bon, à moi. L'air distingué. Les mains fines. Les yeux bleus. Les cheveux blancs. Tout le portrait de sa deuxième fille. Mmh, il est galant, le petit cousin. Bon, on va pas dire qui c'est. Si, si, dis qui c'est. Allons les enfants, il est plus de 4 heures. C'est l'heure du goûter. Dis qui c'est. Dis qui c'est. Je veux savoir qui c'est, là. Oh, mais tais-toi, tu es embêtante à la fin. D'abord, tu vas chercher le goûter. Je ne suis pas ta bonne. Vas-y, toi. Bon, à moi. L'air distingué. Est-ce que la mère de Mireille a l'air vulgaire? Non, elle a l'air distinguée. Les mains fines. Les yeux bleus. Les cheveux blonds. Le portrait de sa deuxième fille. Tout le portrait de sa deuxième fille. Qu'il est galant, le petit cousin. On ne va pas dire qui c'est. On ne va pas dire qui c'est. Si, si, dis qui c'est. Allons les enfants, il est plus de 4 heures. Il est plus de 4 heures. Quelle heure est-il? plus de 4 heures. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. Tu es embêtante à la fin. Tu es embêtante à la fin. D'abord, tu vas chercher le goûter. D'abord, tu vas chercher le goûter. Qu'est-ce que Mireille demande à Marie-Laure? D'aller chercher le goûter.